Psaume 25. Psaume de David. Aleph, Éternel, j'élève mon âme à toi. BRTH, mon Dieu, je m'assure en toi, fais que je ne sois point confus, et que mes ennemis ne triomphent point de moi. Guimel, certes, pas un de ceux qui se confient en toi, ne sera confus, ceux qui agissent perfidement sans sujet, seront confus. Dalet, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Ivo, fais-moi marcher selon la vérité, et m'enseigne, car tu es le Dieu de ma délivrance, je m'attends à toi tout le jour. Zayn, Éternel, souviens-toi de tes compassions et de tes gratuités, car elles sont de tout temps. Et, ne te souviens point des péchés de ma jeunesse, ni de mes transgressions, selon ta gratuité, souviens-toi de moi, pour l'amour de ta bonté, ô Éternel. Tet, l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il enseignera aux pécheurs, le chemin qu'ils doivent tenir. Jo, il fera marcher dans la justice les débonnaires, et il leur enseignera sa voie. Kaf, tous les sentiers de l'Éternel, sont gratuité et vérité à ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. Lamed, pour l'amour de ton nom, ô Éternel, tu me pardonneras mon iniquité, quoi qu'elle soit grande. Même, qui est l'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. Nain, son âme logera au milieu des biens, et sa postérité possédera la terre en héritage. Samesh, le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance pour la leur donner à connaître. Ajin, mes yeux sont continuellement sur l'Éternel, car c'est lui qui tirera mes pieds du filet. P.E., tourne ta face vers moi, et aie pitié de moi, car je suis seul, et affligé. Sed, les détresses de mon cœur se sont augmentées, tire-moi hors de mes angoisses. Resh, regarde mon affliction et mon travail, et me pardonne tous mes péchés. Resh, regarde mes ennemis, car ils sont en grand nombre, et ils me haïssent d'une haine pleine de violence. Saint, garde mon âme, et me délivre, fais que je ne sois point confus, car je me suis retiré vers toi. Tô, que l'intégrité et la droiture me gardent, car je me suis attendu à toi. P.E., ô Dieu, rachète Israël de toutes ses détresses.